ces moments incognito. Tu reconnais le style, Hip Hop Style Volume 2. Ça va faire mal, poteau. Écoute ça. 62, 59, Lens, Béthune, Lille, Armentières. Balance un son dans les quatre coins de la France. Je viens dire ces quatre vérités. Sarko va te faire enculer. Matricule 6-2, j'enculé haineux. Et les fils d'eux qui sont rentrés dans le cercle vicieux. Momo qui peut faire mieux. L'incognito toujours présent pour représenter. Kiff kiff sur mon flow. Les jaloux et les fachos, je viens vous niquer. Mon skyblog et mon MySpace. La famille fait mon pote aujourd'hui.